auditeurs, on est bien sur Radio Gamozo dans cette nouvelle édition de Local Connection. Aujourd'hui, je reçois Spock, t'inquiète pas auditeur, pas celui de Star Trek, mais un jeune artiste et graffeur local. Spock, comment tu vas? Bah, ça va bien et toi, Jean? Ça va nickel, écoute, on va se faire une petite série de questions, tu vois, tranquillou. Je suis parti. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Du coup, moi, je fais du graffiti. Ok. Je fais des décorations chez les gens, des graffitis dans les chambres d'enfants. Je donne des cours aussi dans les écoles de graffiti. Ok. Des activités que je tiens sur plusieurs trimestres. Et voilà, aussi du graffiti globalement tout le temps, quoi. Ok, je vois, ça marche. Est-ce que tu pratiques d'autres types d'art? Non, je me suis intéressé à la photo, à la vidéo, à la musique, mais j'ai jamais rien concrétisé, mis à part la peinture, où là, j'ai testé plusieurs techniques, que ce soit à la bombe de peinture, du coup, pour le graffiti, mais aussi le pinceau, le rouleau, voilà, sur différents supports. Je vois. Comment t'as commencé le graffiti? J'ai commencé le graffiti au lycée, quand j'avais, du coup, une quinzaine d'années. J'étais à l'internat, il y avait un skatepark juste à côté. Le meilleur moyen de s'occuper le mercredi après-midi, ça a été de trouver cette occupation-là, du coup. Faire du graffiti, j'ai commencé par des pochoirs. Ensuite, j'ai rencontré du monde qui m'a permis de progresser au niveau de mes lettrages, donc j'ai pu travailler les lettres. Et au fur et à mesure, j'ai rencontré de plus en plus de monde jusqu'à me retrouver ici, quoi. Ok, je vois. Excellent. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire du graffiti? Qu'est-ce qui t'a hypé dans le graffiti à la base? Bah du coup, j'étais à l'internat, le fait d'être comment dire entouré de personnes avec qui j'étais pas forcément lié par une passion ou quoi que ce soit. Je vois. Enfin, j'avais besoin de quelque chose pour moi. Mm-hmm. Et du coup, c'était quelque chose que personne faisait, que j'étais un petit peu dans ma bulle quand j'allais graffer du coup. Et ça m'a permis aussi un petit peu de prendre du recul sur plein de choses et voilà, d'avoir quelque chose qu'à moi où je suis tranquille dans ma bulle, quoi. Ok, excellent. Et maintenant, qu'est-ce qui occupe tes journées maintenant? Qu'est-ce que tu fais avec ce graffiti? Bah du coup, voilà, j'ai un emploi du temps sur plusieurs trimestres, surtout basé à partir des cours que je donne, donc les mercredis, les jeudis et les vendredis. Okay. Donc avec différents types de publics, que ce soit des jeunes 6-8 ans, jusqu'à des ados qui frôlent mon âge. Je vois. Dans différentes conditions, ça peut être au niveau des fresques, des cours de dessin, des jeunes en difficulté. Voilà, je m'adapte et en même temps, c'est beaucoup d'apprentissage pour l'école de graffiti qu'on va ouvrir en septembre. Okay. Du coup, voilà, j'ai pu voir un petit peu tout ce que je pouvais rencontrer. C'était une année assez intensive. Du coup, là, ça fait un an que je suis à Miremont, que je fais ça à temps plein. Ok. Donc voilà. Oh, c'est cool, t'arrives à faire de ta petite passion. Ouais, c'était vraiment une année de formation là. Ton métier, quoi. Quel genre de son t'écoutais quand t'as commencé? Du rap old school. Du vieux rap old school. Ouais, gangstar. Yes. Bah écoute, je te propose qu'on s'écoute un de tes vieux sons que t'écoutais. Vas-y, bah c'est parti. Allez, on envoie. It's like a friendship and a business partnership, and we have to always be conscious of the difference between them, because you know some things can happen that'll ruin one or the other. So we always stay conscious of those things, those obstacles that can, you know, trip us up, because we ain't trying to go out like that. Friends, business. Yeah, fucker. Supposed to be my man, but you ain't wise enough to realize this is B.I. See, I wanna taste the whole cake. Some things in this industry should be so fake. Make no mistake, if you're my man, you'd understand about the plan to stack hundreds of grand and how to stand on much more acres of land and to expand from the days of going hand to hand. So like I was CEO, I do my thing, son, and turn this underground rap thing to my kingdom. Release a fistful of rhymes for the fiscal year. MCs are wishful fucking with this here. They stuck with a tear for fear they forsake a brother's love, it's clear. I have to be the better man, I'm thinking. The seventh letter man ain't got no time for petty speaking. And so we go our separate ways, I see the fork in the road. I know I blessed you with a portion of gold and some good fortune to hold. So keep that while I keep it moving. Just like truckloads of interstate cargo, taxing niggas like U.S. embargoes. You my man, like I said, so all the best. You should've known we do shit differently than all of the rest. Can't afford to let a link be loosen the chain. It's time for us to get mad more, juice in the game. You're bugging, son. That's word to Billy and Fame. So I'ma state again that we play to win. So I don't care what you say to her or say to him. The object, son, is to excel and lead. And niggas be bluffing, falling for nothing but greed. If it's animosity, let me know. If you're plotting to stop my dough, time to go. Gangstar, M.O.P., nigga, trying to blow. If you my man, you gon' understand. If it's animosity, let me know. If you're plotting to stop my dough, time to go. Gangstar, M.O.P., nigga, trying to blow. If you my man, you gon' understand. I'm true to myself, y'all, and I'm a down-ass nigga. So don't fool yourself, clown-ass nigga. Cat dad, I put it on ya. Since back in the days, my lay snatched me off the corner. And ever since then, the whole game changed. Everybody's against little ass fame. They wanna see me stretched out with my back smoking. Left for dead in the street with my back open. So I don't keep friends, I just roll with niggas I was raised with. Went out in the blaze with. In the P-Nail to be built down the crazy. And we stick together in these last days, kid. So I don't have what you call friends. Cause when it's on, then they gone in the end. But I'ma handle my business indeed. Cause niggas be bluffing, falling for nothing but greed. If it's animosity, let me know. If you plotting to stop my dough, time to go. Gangstar, M.O.P., nigga, trying to blow. If you my man, you gon' understand. If it's animosity, let me know. If you plotting to stop my dough, time to go. Gangstar, M.O.P., nigga, trying to blow. If you my man, you gon' understand. Hey, yo, what happened to the love, soldier? It never crossed my mind that you would doubt my love inside and test my pride. I defy anything that I got with my M.O.P. staff. We all that we have. To the first family, loyalty is no game. We the type of niggas that money won't change. We all aim for the big picture, but to me it don't mean shit if your dumps ain't with you. I sacrifice my main arteries. Why, nigga? Ain't nobody never loved me like my nigga. See, my business is my friendship, and my friendship is my business. Can I get a witness? Hey, yo, we went through all our wars, half-ass tours. Traveled across this land with heavy contraband. See, you my man. And you ain't never got the second guess or question the love of who you've danced. I am invaluable to my niggas as I own rusty ass 32. Better than that. Say you with you when they start busting. I hold you down. When them body parts pop up, cousin, I'll be around. Friends, business, friends, business, friends, business, friends, business, friends, business, friends, business, friends, business. Et on est toujours sur Radio Gamozo avec Spock. Ça va toujours, Spock? Toujours à forme. Toujours la forme. Alors, comment tu définirais ton style artistique? Moi, j'ai plus un style inspiré du graffiti. Ok. On pourrait même dire inspiré du graffiti vosgien. Ouais, avec, ok. Avec beaucoup de nature, des sapins, des choses comme ça. D'accord. Mais le fait d'avoir voyagé, ça m'a aussi ouvert les yeux sur plein de pratiques du graffiti, plein de styles différents, de techniques. Je vois en Allemagne avec un style très pointu, beaucoup de choses comme ça qui m'ont aussi ouvert un petit peu les yeux et qui me permettent aujourd'hui de pouvoir sauter de style en style. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu penses des petits artistes de locaux? Ils sont chauds en vrai. Bah alors du coup j'ai commencé, j'avais 15 ans. Je me suis retrouvé du coup vraiment tout seul, le seul petit jeune qui fait du graffiti, enfin du moins je rencontrais personne et globalement avec le temps j'ai compris que j'étais vraiment tout seul. Mmh. Et ça a seulement été quand j'ai eu 18-19 ans, où dès que j'ai eu le permis que j'ai pu bouger un petit peu et là rencontrer du monde. Mmh. Et ça a aussi été un peu le point de départ de beaucoup de graffeurs dans le coin qui à partir voilà de années 2018-2017 qui se sont mis à vraiment peindre. Et du coup, on a une belle petite équipe de graffeurs qui peignent un peu partout dans les Vosges. Voilà, beaucoup en urbex, il y a beaucoup de choses à voir, c'est cool, on voit qu'il y a de la force et ça donne envie d'aller de l'avant et de faire évoluer justement la scène graffiti dans les Vosges avec pourquoi pas des murs légales, justement l'école de graffiti, ce et puis continuer super, de montrer aux gens que le graffiti c'est pas simplement c'est pas juste la dégradation, c'était maintenant au jour d'aujourd'hui on peut en faire des choses. C'est un art. C'est un art complètement. Ah ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution du graffiti du coup local? Franchement, qu'est-ce que... Ça va vite. Ça va vite. C'est bien. C'est bon, tu crois que c'est une bonne chose? Ouais, carrément, c'est une bonne chose, carrément. Ouais. Bon, il va falloir vraiment apporter un petit peu plus, ouais, structurer tout ça. Ouais. Apporter des supports, que ce soit techniques et aussi voilà, des murs pour peindre, ça, je crois, le plus important. Des murs légaux, quoi. C'est ça, voilà. Sera le plus important. Le graffiti au jour d'aujourd'hui, il faut pas non plus le montrer comme quelque chose de vandale parce que ça ne l'est plus. Enfin, du moins dans les Vosges, exactement. On est pas en ville. Voilà, c'est pas du tout le même monde. Nous, ce qu'on fait ici, c'est de la peinture décorative. Voilà, on sert des bombes de peinture. C'est inspiré du graffiti, du street art. On fait un truc un peu à notre façon. C'est ce qui est cool. Et je trouve qu'avec toutes les têtes pensantes locales, il y a beaucoup de choses qui se passent, que ce soit au niveau des jams, que ce soit au niveau de plein de choses, des rencontres et tout ça, les connexions se font bien. Je vois, excellent. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution globale du coup de cette... Bah, je suis un peu jeune pour en parler, j'ai du coup 5-6 ans de graffiti derrière moi. Ouais, mais du haut de tes 5-6 ans de graffiti, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce que tu vois dans le monde du graffiti, qu'est-ce que t'en penses? Il y a quelque chose qui me gêne particulièrement, c'est Instagram qui a débarqué un peu au même moment où j'ai commencé le graffiti, mais okay. J'ai pu me rendre compte de l'influence d'un téléphone du coup et des réseaux sociaux sur la créativité et le style artistique de beaucoup d'artistes. Ok. Il y a aussi beaucoup de graffeurs qui le font pour le matu vu, pour la photo à la fin. Et j'ai l'impression que ça perd un petit peu de la nature de ce que c'était le graffiti, enfin de ce que moi on m'a enseigné. Voilà, c'est un bien contre un mal, après avoir au fil du temps où ça nous mène, mais j'ai bien envie d'espérer que les jeunes vont reprendre un petit peu conscience, que ça reste underground, que on puisse discuter autre que par un téléphone, par des rencontres, par des sessions peinture. Tu vois, enfin voilà, faut que ça reste hip-hop et faut pas que ça devienne quelque chose de médiatique justement grâce aux réseaux sociaux, parce que voilà, les 200 personnes qui vont liker ta photo, c'est pas forcément les 200 personnes qui vont venir dans le lieu où t'as peint. Et ce qui fait le graffiti, justement, c'est le lieu, c'est l'ambiance, c'est ce qui entoure, tout ça. Oui, c'est... Et voilà, une photo ne pourra jamais refléter vraiment ce que le graffeur a voulu emmener dans sa peinture. Et en parlant de ces peintures, justement, parle-moi un peu des couleurs dans le graffiti. Les couleurs, je trouve ça super important, mais en même temps inutile. Ok. Moi, j'adore faire des choses explosives au niveau des couleurs. J'aime bien combiner, chercher à avoir la meilleure palette de couleurs pour mes graffitis. Mais c'est aussi parce qu'on est dans un environnement qui est un peu grisâtre et tout ça. On n'est pas dans une ville où justement il y a déjà beaucoup de graffitis colorés ou beaucoup de fleurs, j'en sais rien. Voilà. Nous, on est dans les Vosges, c'est un peu gris. La couleur, ça fait toujours du bien. Ça permet aussi de mettre en avant. Mais je suis de plus en plus attiré aussi par le fait de restreindre justement ma palette de couleurs, n'utiliser que du blanc, du noir, avec pourquoi pas une bombe en plus, de couleurs, genre juste un rouge, donc bleu, blanc, rouge, bleu, noir, rouge. Et voilà, justement, essayer de se mettre des contraintes pour travailler au mieux ces couleurs, et avec des tons sur tons, on peut faire beaucoup de choses. Ok, d'accord. Et comment tu les choisirais, tes couleurs? Comment tu te fais justement cette palette? Tu y réfléchis à l'avance? Tu te fais un petit sketch? Non, c'est beaucoup à l'instinct. Ouais, c'est... ça vient sur le moment. Hein. Ouais, c'est... Donc moi, je suis beaucoup sur la récupération. Okay. Ça veut dire que je vais acheter des bombes de temps en temps pour faire des chantiers, pour faire une jam où il y a un code couleur vraiment précis, des choses comme ça. Ensuite, ces bombes-là, je les récupère, je me retrouve du coup avec... plusieurs stocks de bombes, et c'est à ce moment-là que je vais prendre un peu ce qui vient. Je fais aussi en fonction de ce que j'ai, et j'essaie de combiner comme ça. Voilà, après tout se retrouve dans le graffiti, avec les mêmes couleurs on peut faire tellement de styles différents. C'est vraiment une infinité de possibilités. Avec n'importe quoi on peut faire beaucoup de choses. Exactement. Est-ce que t'as une petite anecdote sympa à partager avec nous? Ouais, enfin, je peux belle rencontre ou je peux vous parler de ma rencontre avec Papset. Du coup, ouais, c'était il y a maintenant 2 ans. Début de permis pour moi, 18 ans, je prends ma voiture, je me dirige vers un dépôt de train abandonné où je comptais passer l'après-midi et faire des fresques sur ces trains qui sont destinés à la casse, qui partent quelques mois après pour être démantelés. Et donc c'est quelque chose d'assez sécure, il y a les moutons au milieu, enfin voilà. On se balade à l'intérieur, on était deux. Et au fond d'un wagon, du coup, on voit un papy. On peut le dire comme ça, avec son béret, sa petite veste. On s'avance au devant de lui pour que ce soit lui qui tombe sur nous et pas l'inverse pour pas lui faire peur, parce qu'on sait qu'on est dans un environnement qui peut potentiellement créer un petit stress. Et il tombe sur nous, rencontre super. Il s'avérait qu'il avait 82 ans, qu'il était dans le dépôt matin et après-midi tous les jours. Il connaissait tout par cœur, que ce soit les modèles de train, les places où il y avait des graffitis, où il y avait justement pas de graffitis pour en faire aussi. Et c'est quelqu'un qui faisait une très grosse archive photo, ça veut dire que tous les jours il venait avec son appareil photo. Et il immortalisait donc toutes les peintures, il immortalisait aussi toutes les rencontres, mais il immortalisait aussi toutes les petites précisions. Donc il va venir à l'intérieur des trains, prendre en photo la couleur derrière les vitres du coup, comme un peu une mosaïque. Il va vraiment chercher à chercher toutes les petites choses que personne ne voit, balançait du coup tout ça sur Instagram. 82 ans et jamais intéressé par le graffiti ni rien, il a vraiment découvert ça comme ça. Excellent. Et sacrée rencontre. Ouais, on a continué à faire quelques petits projets ensemble et voilà. Excellent. Cool. Écoute, je te propose qu'on se passe le deuxième son que tu m'as envoyé. Si bah carrément, ouais. Allez. Ready to break the law. I'm telling you, we're stuck. on est encore sur Radio Game Ozo avec Spock. Ça change carrément de registre là le son. Ouais, on était sur de la dub. Yes. Tu t'écoutes quoi en vrai comme son dans la Moi je suis plus rap old school, mais vraiment la majorité du temps de la dub, du reggae. OK. Un petit peu de techno aussi. Assez varié quoi. Ouais, mais beaucoup de dub. Je vois. Alors, quel serait ton rapport à l'art? Mon rapport à l'art? Elle est dure, celle-là. Ouais, elle est pas simple. Mon rapport à l'art, on va dire que c'est... Bah, la première approche avec l'art, c'est la photo. C'est une première chose que j'ai fait quand j'avais l'âge de 10 ans jusqu'à mes 15 ans. J'ai fait beaucoup de photos animalières où j'allais justement traîner un petit peu dans les forêts. Okay. Prendre en photo ce qui s'y passait. Je vois. En plus de base, j'étais pas du tout prédestiné à faire quelque chose d'artistique. Je devais être bûcheron. Ok. Bon, j'ai fait mes études dans le forestier, après dans le paysagisme. Et c'est vraiment du coup ma première approche avec l'art, la photo, par la suite le graffiti. Mm-hmm. Et le graffiti qui a été le déclic dans ma vie pour le déclic artistique. Vraiment. Qui m'a fait comprendre qu'en fait c'était ce qu'il me fallait. Je vois. Pour avancer. Et du coup après j'ai essayé de me divertir, on peut dire ça comme ça. Okay. J'ai été dans les musées, j'ai aussi été voir beaucoup de concerts, festivals. Je suis vraiment intéressé à tout ce qui se fait au niveau de l'art, que ce soit les choses les plus abstraites à des choses plus précises. Enfin voilà, il y a vraiment... Okay. J'essaie de m'intéresser à tout et c'est ce qui m'inspire aussi beaucoup justement, c'est de pas m'enfermer dans le graffiti. Pour avancer dans ma démarche, je sais que... Il va falloir justement que je passe du temps un petit peu à analyser tout ce qui se fait autour, justement pour mieux comprendre ce que je fais moi. D'accord. Du coup, voilà. Ok. Je voudrais que tu nous parles un peu de ton apprentissage. Comment t'as vécu un peu apprentissage cette période du graffiti ? Ouais, cette période un peu qui est pas facile pour solitaire, tout le monde, la première année. Non, je peux pas dire solitaire, mais j'ai commencé seul, j'ai fait mon premier pochoir seul, donc du coup c'était une caméra de surveillance que j'ai fait sur un pochoir au-dessus d'un skatepark, du coup à 50 mètres du lycée où j'étais. Et c'est après en découpant mes petits pochoirs le soir dans ma chambre à l'internat qu'un maître père du coup est venu. Donc un maître père, c'est un BTS qui vient nous faire l'office de pion les soirs, enfin bref. Ok. Il est venu me voir et il a vu que je faisais ça. Du coup, il m'a amené le mercredi pour faire du graffiti avec lui, donc avec des bombes de peinture forestière, enfin rien d'adapté. Et on a fait notre premier graffiti sur le mur légal qui venait justement d'ouvrir à côté du lycée. Donc toutes les opportunités étaient là pour moi apprendre. Et voilà, après j'ai continué à dessiner, j'ai très vite eu envie de progresser, j'en ai très vite fait beaucoup, ça a très très vite fait partie de ma vie. Et ensuite, j'ai passé une année un petit peu en solitaire jusqu'à tomber sur un article de journal qui parlait d'une fresque qui était en réalisation au Pont-Chenaud, à Remiremont. Ouais. Et je me suis rendu avec mon père, parce que du coup, à l'époque, pas de permis, rien. Tout à fait. Et je suis venu avec mes dessins, mes bombes de peinture, et ils m'ont laissé une place sur le mur. J'ai pu peindre le lendemain à l'entrée du pont. Et voilà, ça a été la première rencontre vraiment avec des graffeurs concrets. Super. Et j'ai continué dans cette optique-là et après j'ai aussi fait mon parcours tout seul à m'intéresser un peu à tout ce qui se faisait dans le graffiti, à rencontrer les gens, street art, voilà. Ok, excellent. Et maintenant, quels seraient tes petits projets? Comment tu vois le graffiti dans ta vie? J'ai toujours envie de continuer à vivre de ça. Mm-hmm. C'est-à-dire que j'ai envie d'en faire un mode de vie presque. Mm-hmm. Où, carrément. Justement, je vis de ma passion. Mais après, pour que tout se passe bien et justement que ça reste une passion, il faut vraiment bien se préparer, bien organiser les choses à l'avance. Et là, du coup, je suis sur un gros projet qui est de faire un road trip en Europe. Mm-hmm. Où je vais me déplacer avec un van que je suis en train d'aménager en ce moment. Et faire du coup toute une web série qui serait diffusée sur internet. Okay. Qui me permettrait déjà de pouvoir avoir des subventions, des choses comme ça pour m'aider à faire ce voyage. Et voilà, ce voyage serait porté sur le graffiti, sur la rencontre, sur aussi l'humanitaire. J'aimerais bien aller mettre un petit peu de couleur là où il y en a besoin. Et voilà. Ok, excellent. Et en parlant de ça, est-ce que ça t'a permis déjà de voyager le graffiti? Est-ce que tu as déjà pu voyager grâce à ça? Ouais, j'ai été en Belgique, en Allemagne, j'ai été vers la Suisse, puis un petit peu partout dans le nord de la France. Je suis encore pas trop descendu dans le sud. Pourtant, ça m'attire beaucoup, il fait chaud, il y a l'air d'avoir une belle scène graffiti, donc à voir dans le futur. Pourquoi pas, pourquoi pas. Comment se lancer dans cet art du coup qui est le graffiti? Tout seul. Tout seul, ouais, faut... Non, en vrai, il faut que la démarche, elle vienne de soi. Mm-hmm. Je pense que c'est le plus important pour justement s'épanouir par derrière. Il faut pas que ce soit quelque chose qui soit provoqué par quelqu'un. Je vois. Après, c'est aussi bien de s'entourer au début. Enfin, je dis commencer seul, mais il faut aussi savoir s'entourer des bonnes personnes. Ouais, Mais toujours garder à l'esprit que ce que tu fais, ça reste personnel. Mm-hmm. Et je pense que c'est comme ça que tu peux pas te perdre et ne pas te faire influencer dans ton style, dans ta démarche. Tu vois. Et c'est là où tu seras le plus pur dans ce que tu vas produire. Et ensuite, c'est beaucoup de dessins. Dessiner. Ça. Y a pas de secret, c'est comme ça, dessiner. Et aussi beaucoup regarder ce qui se fait. Mm-hmm. Ne pas te fermer d'esprit, ne pas s'enfermer sur un artiste. Voilà, il faut voir ce qui se fait, regarder aussi tout ce qui n'est pas du graffiti, justement, pour aller puiser son inspiration dans des films, dans de la musique, dans beaucoup de choses, la photographie. Je trouve que c'est quelque chose de super pour s'inspirer au niveau des ambiances, au niveau de la répartition des lumières et tout ça sur les photos argentiques. Ça peut vraiment nous aider à dessiner mieux. Je vois. Et du coup, quel conseil tu donnerais à un jeune qui aime vraiment ça et qui se lancerait dedans? Dessiner beaucoup, mm-hmm. et aussi peindre beaucoup. Ça veut dire que il va falloir aller dans le grenier, dans les garages du grand-père, chercher les pots de peinture et se dépatouiller avec ce qu'on a, parce qu'on sait que le matériel graffiti, c'est pas forcément donné. Il y en a pas forcément partout. Quand on est jeune, commander sur internet, c'est compliqué. C'est clair. Donc voilà, un petit renseignement, il y a juste au Cultura et Final où il y a des bombes de graffiti, donc pour ceux qui veulent se lancer, c'est là-bas qu'il faut se fournir, sinon sur internet. Et voilà, commencer par dessiner beaucoup, et dès qu'on est à l'aise en dessin, on passe à la peinture, et là, il faut rien lâcher, il faut peindre souvent. Et c'est comme tout, hein, plus on en fait, plus on progresse, quoi. Exactement. Eh bien, c'est déjà la fin de cette nouvelle édition de Local Connection. Spock, un grand merci à toi. Je te propose qu'on se quitte avec le dernier son que tu m'as filé. Yes, pas de souci. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Ouais, bonne journée. Never catch a jet lags, nana. Never catch a jet. Never catch a jet lags, Rasta. Never catch a jet. Let this turn on your head. And my shell Babylon when them first not a jet to cut. Yes, to cut. Got to. Never catch a jet lags, Rasta. Not yet to cut, yes to cut.